03 29 62 40 40. Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, j'en le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on parle tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Baby, je te partage ma vie au lieu de la vie. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris. Mes yeux dans tes applis, baby. Bonjour. C'est tout. C'est tout. Oui. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes en direct dans le studio de Radio Guémouzo pour une nouvelle émission des Jeunes. Bien, merci Gabriel. Des Jeunes. Tout le monde va bien? Oui. Oui. Bon, on est un petit peu à la bourre. On expliquera après pourquoi. Hein, on est un peu en retard. Voilà. La bourre, c'est un peu rougien, ça. On fait un tour de table là, pour se présenter. Allez, on commence par la technique. C'est moi, Christopher. Oui, tu es avec qui? Chris. Ah, et Marion. Tout le monde va bien en technique? Ça va. Oui, ça va. Ensuite. Bonjour, je m'appelle Camille. Oui. Laurette, toujours stagiaire. Voilà, Nicolas. Nicolas, bah Corinne. Dalala. Gabrielle. Régine. Zinedine, voilà. Eh bien, écoutez, alors ce matin, on était en retard. Vous allez dire pourquoi, Régine? Ah oui. Qui peut expliquer pourquoi? Gabriel, pourquoi on est en retard? Sa voiture est coincée, la voiture. La voiture était coincée. Oui. Coincée. Et alors? C'est coincé. La porte. Elle était bloquée, on ne pouvait pas monter dedans. Deux voitures. C'était gelé dedans, dehors. Donc il y avait déjà du boulot à gratter. Deux. Hein? Deux. Donc on a dû changer de véhicule. Deux aussi. Deux. On a dit même Marion aussi. Voilà, il y avait aussi Marion, son véhicule qui était aussi gelé. Bloqué. Les portes et tout. Enfin voilà. Gelé. Ce qui explique notre retard. On est désolé. Hein. Mais vous avez gratté en plus. C'est gosse. Comment? Vous avez gratté en plus en nous. Ah bah oui. À l'intérieur aussi? Oui, c'était gelé à l'intérieur aussi. Hein. Fait fort, ça commence bien. Hein, bien. Les prémices de l'hiver, là. Oui, des beaux coincés. Bon matin, des coincés. Ah, mais c'est à moi? Pourquoi c'est coincé? Mais c'est à moi? Parce que j'ai c'est froid. C'est froid. Attends, ça gèle le véhicule. Pourquoi? Parce que c'est le froid qui gèle le véhicule. C'est le froid. Mmh. Et combien de l'humidité? Ça, oui, c'est gros froid. C'est ton musique, moi. Ah, Gabriel, tu es inquiet. C'est quoi ta musique? Alors, dis-le. Adieu, mon prince. C'est qui? Adieu, mon prince. Adieu, mon prince? Ah non, c'est pas ça. Hein. Bah non. C'est ta maman qui a choisi la chanson ou c'est toi? C'est moi. C'est toi? Oui. Bah alors? Qu'est-ce qu'elle avait écrit dans le cahier, maman? C'est pas. C'est pas? Non. C'est pas. Claude? Inc. Mais on dira tout à l'heure le reste. Hein? On va commencer par la chanson mystère. La dernière fois, c'était. Laurette. C'était Laurette? Oui. C'est vrai, tu as raison. C'est ça en plus. Bien, Laurette. Bien. Oui. Michel Delpech, Laurette. Et d'ailleurs, qui c'est qui avait appelé? Camille. Avec qui? Avec qui tu avais appelé? Marie. Voilà, bien. Rien, le moins de Marie. Donc aujourd'hui, il y en a une nouvelle qui a été choisie par Laurette, qui est avec nous aujourd'hui. Mmh. Donc on l'écoute, et puis ceux qui connaissent, ils peuvent appeler au numéro 03 29 62 40 40. Très bien, Nicolas. Allez, on écoute. Voilà la chanson mystère choisie par Laurette. Très jolie chanson. Oui. Calme, ça détend. Oui. Hein? Ça vous a plu? Oui. Oui. Oui. Non. Amusez à moi. Non. Oui, toi, il n'y a que la tienne qui te plaît. Hein? Les autres n'existent pas. Hein? Oui. Ouais. Oui. Donc, alors, lundi, on a préparé. Vous étiez tous là. Christopher aussi. Hein? Alors, de quoi on a parlé? Les infos, la météo. L'info, mais... Ouais, il y a eu la météo. La neige, j'ai les infos. Quand j'ai bloqué, là, encore. Décoincé. On nous a fait imaginer. Hein. On a fait des... Voilà, on a fait travailler un peu l'imagination. Oui. Oui. Quoi? Ah bah, je sais pas, tu lèves le doigt. Bah ouais, t'as vu, des mousins, c'est coincé. Coincé. Voilà, si on était coincé, oui. Ouais, on fait tes poings. Et puis, il y avait quoi encore? Le... Un peu, et puis tes poings. Quand on serait président. Ouais. Ah, c'est Christopher qui a remis ça sur le tapis, c'est le cas de le dire. Ouais, bah moi, voilà, si j'étais à la place de monsieur... Hein. J'aurais fait ça, ça. Donc tu peux le, tu pourras le dire, hein, en restant correct, poli. Mmh. Et puis les infos et le sport. Hein, il y avait du sport aussi. Tu te rappelles, Zinedine? Moi, je dis pas moi. Oui, Christopher. T'as dit il y avait du sport, il y avait du tennis, je me rappelle. Oui. Mardi, il y avait du tennis. Oui, tu as regardé? Oui, c'était sur la 10, sur rentrée de l'école. Avec qui c'est qui jouait? La France contre le Japon. En tennis? Oui. Oui, j'ai. Heureusement, il y a Marion. Hein, parce... C'est la coupe du tennis. Les gagnés, ont... Bon, ce sont les Françaises qui ont gagné. Non, oui. C'est les Français. C'est les mecs. C'est les garçons. J'ai failli m'endormir. Oh bon. Bon, on peut commencer? Oui. Alors, on va aller un petit peu dans l'ordre, par exemple, lundi matin. Lundi. Qu'est-ce qui s'est passé? La neige. Alors, Nicolas, tu prends le micro un peu devant toi. Et tu parles calmement, on n'est pas pressé, hein. Oui. Hein, voilà, qu'on comprenne bien ce que tu dis. Alors, la neige. Il y avait la neige. Tout le monde était bloqué. Oui. Bloqué dans quel sens? Qu'est-ce qui s'est passé? Au Toli. Bah, un peu partout. Partout. Oui. Avec le taxi? Non, pas nous. Ah non. Toi, t'arrives en retard, il me semble aussi, Nicolas. Oui. Moi, Dédé. Zinedine aussi, oui. Les coursiers. Après, beaucoup après. Ah, Zinedine. Avec le taxi aussi. Oui. Vous étiez coincé par quoi? Des gens. Non, les gens. Les arbres, oui, voilà, les arbres. Il y avait des arbres sur la route. Oui. Oh là là. Et toi, Gabriel, est-ce que tu as été bloqué? Un tâche et pont. Ah non, mais ça c'est aux infos, le pont. Oui, on va parler de ça tout à l'heure. Un gros tas à moi. Tu as quoi? Un gros tas à un petit pont. Non, mais la neige, lundi. Tu as été en retard aussi, Gabriel, malgré que tu n'habites pas très loin. Tu te rappelles plus? Non. Non. Bon. Nicolas. Quoi? Tu as parlé de la neige. Camille, dans ton coin, il y avait beaucoup de neige? Non. Non, pas trop. Pas tu peux dire où tu habites? Remiremont. Voilà, donc à Remiremont, ça va, ça allait. C'était plus où? Dans les hauteurs. Voilà, dans les hauteurs, dans la montagne. Donc les gens comme Christopher, par exemple, aussi. Mmh. Est-ce que tu es en retard lundi? Ouais. Oui. Oui. De combien? Aucune idée. Plus d'une heure de retard. Et c'est normal. Les secteurs comme ça, la Bresse, le Gérardmer et tout ça, c'était... La catastrophe lundi matin. Et même les éducateurs, il y en avait qui étaient en retard. Albin aussi. Il est coincé. Laurette. Eh oui. Voilà. Alors, Régine, vous, ça a été? Oui, mais moi, je ne suis pas sortie de chez moi. Ah, bah voilà, okay, comme ça. Okay. Et Marion? Oui, ça a été. La voie express était plutôt bien dégagée. À part en arrivant vers Éloi ou. C'était pas... Ah oui, on est gagné. Je suis arrivée à 8h02, donc il n'y a pas... Ah oui, ça va. 8h02. Et vous, Corinne? Bah, moi, ça allait. Remiremont, Saint-Amé... Nous aussi, oui, hein, ça allait bien. C'était plus dans les hauts. Hein. Hein, un temps de bois à maison. Chez toi? Hein? Oh, toi, t'habites pas très loin non plus, Gabriel. Il n'y a pas d'arbre qui est tombé devant chez toi? Non. Non, bah non. Est-ce qu'à l'IME, il n'y a pas des arbres aussi qui... Si. Des petits arbres, des branches de gros arbres. Ça t'a dit jouer là-bas. Bah oui. Dis-moi, je joue pas là-bas, moi. Qu'est-ce que tu dis? Nanana, il est coincé. Non, avec des nageoires crées, moi. Oui. Mais beau demain est beau. Voilà, donc vous pouviez pas aller dehors non plus. Non. Des risques de chute de branches et tout ça dehors. Non, il est beau, il joue ballon. Ah bah. Oui, maintenant, mais pas lundi. Encore. Lundi. Vous étiez coincé, tu dis, Zinedine. Oui. Hein? Oui. À l'intérieur. Quoi? Dans les pièces. Dans les salles. Oui. De l'IME. Oh. Lundi, tu te rappelles? Oui. Ah oui. Et on n'est même pas monté au collège. Mais non, c'est quoi ça? Sécurité. C'est quoi ça? Mais on a fait classe quand même à l'IME, hein, vous étiez ravis. Non. Oui. Oui. Ah non, hein, on... Oui, c'est quoi ça? C'est bon pour la neige? Oui. Ok. Oui. Alors, qui veut parler de l'info ou du sujet suivant? Nicolas, tu nous avais parlé de quoi, toi, par rapport à la neige aussi? L'électricité. Oui. L'électricité. L'électricité à la neige. Oui. Qu'est-ce qu'il y a souvent avec l'électricité quand il y a de la neige comme ça? Trop lourd. Oui. Et donc? Ça coupe le courant. Oui, parce que les fils tombent. Tombent. Donc tu nous avais dit aussi que tu avais vu ça aux infos. Oui. Hein, dans plusieurs départements qui avaient plus d'électricité. Très embêtant ça. Hein. Et puis alors on en était venu à la question. Imaginez-vous, on est à l'IME. Bloqué. Deux mètres de neige. On peut pas sortir. C'est moi. Vous pouvez pas rentrer chez vous. Non, c'est moi. Attends, Gabriel, on est obligé de rester dormir à l'IME. Bon, oh. Cherchez gâteau du foyer. Alors Zinedine, il a tout de suite pensé à son ventre. Lui. C'est important. Mais t'as bien raison. On n'aura plus rien, Zinedine. Tu n'aurais plus rien. Vous allez peut-être pas parler tous en même temps, mais donnez vos idées. Qu'est-ce que vous feriez? Manger. Manger, ça c'est important. Dodo. Dodo. Pâte à pâte. Ouais, mais Gabriel, est-ce qu'il y a des lits à l'IME? Non. Oui, il y a des lits. Et un dodo pâté. Par terre. Oh. On n'aurait pas le choix. Hein. Oui. Et un pâté pote. Non. Avec tes potes. Tasser. Il veut casser la porte. On peut pas. Oui, mais on avait dit qu'il y avait beaucoup de neige. Donc on peut même pas ouvrir les portes parce que la neige, elle couvre les portes à l'extérieur. On peut pas sortir. Donc il faut survivre. Un patate 6 mois. Y a pas quoi? Patate 6 mois. Y a pas de taxi. Ah bah non, non. Non, coup de feu. Alors vous faites quoi? On reste à l'IME. Vous attendez que ça se passe? Oui. Ouais. C'est quoi? Christopher a des idées. On peut écouter Christopher, merci. Et moi, si j'avais 1 mètre de neige à l'IME, j'irais réunir tout le monde dans la salle. Tu irais voir si tout le monde va bien avant. Ah, tu ferais le tour, toi? Oui. Oui. Puis alors, pour survivre, là, durant 1 ou 2 jours, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Boire de l'eau. Prendre toute la nourriture et mettre sur la table. Ah. Faire des petites portions de nourriture. Ah, toi, tu rationnerais tout le monde? Oui, petite portion. Ah, ben c'est bien. Petite portion. Quoi de fait? L'idée, il y en a un puissant. Vas-y, Christopher. Après avoir une portion, on aurait creusé un trou dans la neige. Creuserait un trou? Oui, pour remonter à la surface. Oui, mais on a dit à la surface. C'est la même de neige, si on ne peut pas sortir. Oui. Il faut creuser un trou, à toute pelle. Toi, tu veux passer sous l'IME? Dans la neige. Dans la neige. Tu peux pas aller dehors, c'est tout est fermé. Tout est bloqué, Christopher. Oh, tu casses une porte. Oh. Tu casses une porte. Oui, mais derrière la porte, c'est de la neige. Mais je crois, je prends une pelle, hop. Lui, il veut sortir et voir ce qui se passe. Ouais, hop. Bah oui. Eh, hey, j'arrive à mettre une pelle, hop. D'autres idées, Camille? T'as pas d'idée, toi? Non. Oula. Tu verras comment ça aurait pu une nourriture, Camille. Tu attendrais que les idées viennent des autres. Ah, ah bah alors tu ferais quoi? Et moi, je t'anime, moi. Tu manges, Camille? Oh là là, ça commence à aller, là. Eh, c'était mon idée, Gabriel. Hein. Ah oui, alors Christopher avait donné une idée lundi. Pour manger Corinne. On écoute. C'est pas dit manger Corinne. Parce qu'il avait vu à la télé. Hein, c'était un truc, il disait que ça avait existé. Il avait vu ça. C'était quoi? un film. Oui. Une histoire vraie d'avion qui s'est écrasé, là. Oui, et puis ils en étaient arrivés à quoi ? À manger les gens. Oh. Quoi ? C'est une histoire vraie. Vous avez jamais entendu ça ? Si. Si, moi aussi j'ai déjà entendu. Il y a eu un livre. Oui, les survivants, c'était. Ouais. Oui. Ils n'avaient pas eu le choix. Oui. Mais bon, on n'en était pas là quand même. Mais quoi, hey, faut en profiter si quelqu'un est mort. Faut en profiter. On mangera un œil. C'est comme du poulet, hein. Tu crois ça, toi? Du poulet. Tu compares à du poulet. Christopher, on a le droit? Mais quoi? On a le droit de faire ça? Si, non. C'est la survie, hein, si on a le droit. Pour la survie, on a le droit de faire ça. Pour la survie? C'est pas la fin du monde non plus, hein, Christopher. Mais quoi, si on est coincé sur un mètre de neige, il faut bien survivre. Un mètre de neige? T'avais dit si on est coincé sur un mètre de neige. Hein. Oui, mais je disais pour un ou deux jours, j'ai pas dit non plus pour que ça durait jours. Un mois. Hein. Ça peut durer un mois la neige. Hein. Ça fond. Hein. Tu trouves que c'est pas bien? Ouais, il est fou que qui, toi. C'est pas fou, ça survit. Les boissons, la marche, moi. À manger Didi, moi. Doucement. Je mangerai en premier Zinedine. Hein, si non, on peut s'écouter, hein. Ça va pas commencer là. Mon énorme, ça Didi, moi, des fois que je. Bon, c'est bon, sujet là. Oui. Oui. Oui. De quoi vous vouliez parler aussi? Non, n'hésite. La météo. La météo. La neige. Bah, t'en as pas parlé, là? On vient d'en parler. Mmh. Ah oui. Mmh. C'est de la lait. Qui c'est qui avait parlé de Venise? J'écoute. Ah, ça, c'était moi, ça. Ah, alors vas-y, Nicolas. Venise est inondée. Alors, ça se trouve où, Venise, Nicolas? En Italie. Oui, c'est bien. Et ils peuvent plus sortir de chez eux. Bah, en même temps, leurs habitations, elles sont inondées aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent là? Vous avez des bottes. Oui, on va dire que c'est des bottes, oui. Des ils bottes en plastique. Très haut, hein, au-dessus du genou, pour pouvoir se déplacer. Bon, il y a encore les gondoles. Et puis oui. Est-ce que c'est redescendu là? Parce qu'on non. A oui. A dit, oui, c'est redescendu. L'eau est redescendue? Oui. De beaucoup? Oui. Ah, c'est redevenu normal? Oui. Tu peux voir, tu peux demander à Christopher. Hein. Non. Christopher, toi, tu avances des choses. C'est vrai, j'ai vu. Il faut que ce soit vrai, ce que tu avances. Si c'est vrai, j'ai vu, c'est un peu redescendu. Moi, j'ai pas entendu que c'était redescendu. Un peu, un tout petit peu. Je tu crois que ça a remonté un peu. Moi, j'ai entendu qu'ils avaient peur qu'il y ait une deuxième marée. Oh mon Dieu. Ouais. Alors, tu vois, encore une fake news. Hein. Ouais. Hein, fausse info. Fake news. Tu as induit les auditeurs en erreur, là. Hein. Est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit, Régine, à l'instant? Oui, j'ai peur qu'il y ait une vague. Alors là, ça peut être très très dangereux quand même. Oui. Une maison sous l'eau. Une maison sous l'eau, sous ça l'eau. Peut être. Puis les monuments et tout ça. Oui, l'eau rentre partout. Oui. Mais c'est grand. Ben, ça fait peur hein, quand on voit les images. Ouh. Ben oui. Attends, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à Venise? Non. Régine. Jamais. Jamais. En technique? Non, c'est en projet. Ah. Bah, achète-toi des bottes, Mario. Des bottes. Christopher non plus? Non. Non, je suis déjà allé en Italie, mais jamais à Venise. Oui, moi c'est pareil. Cali, mais pas à Venise. Non, Laurette. Non, je suis allée à Rome, mais pas à Venise. Et toi, Corinne? Bah oui, mais moi c'était la Calabre. Donc Calabre. C'est tout en bas, au fond de la botte. Donc c'était pas Venise. Ah. Oh. Mais c'est vrai que ça doit être joli, quoi, hein, Venise. Là, c'est moi. Bon. C'est moi. Bon, alors Gabriel est pressé de passer sa chanson. Est-ce qu'on lui passe? Non. Oui. Oh oui, parce que je crois que... Ni pressé. On va se poser des questions après. Mais tu continueras à participer après, hein. Oh, dis donc, quelle motivation. Bon, alors on va passer la chanson à Gabriel. C'était qui? Claude? François. Et il chante quoi? Je sais pas. Da. Allez, Belinda, s'il vous plaît, en technique. Eh ben... Je vous chante pour oublier une étoile filante qui m'a quitté. Vous pouvez m'aider à la trouver. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Ça fait 10 fois qu'elle s'en va et qu'elle revient. Mon cœur et qui défait mon cœur de ses mains. Si vous la voyez, vous la reconnaîtrez. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Je devrais en avoir l'habitude et l'attendre comme je l'ai fait souvent. Solitude. Je l'appelle et ma voix tombe dans le vent. Elle est dans mon sommeil comme une fleur. Un soleil sans soleil et sans chaleur. Gabriel, heureux? Oui. Oui. Tu la dédicaces à qui, la chanson-là? À Tani. À Camille. Alors, je ne sais pas pourquoi, Gabriel, mais je m'étais doutée que c'était pour Camille que tu voulais mettre la chanson-là. Pas les yeux bleus. Oui. T'as entendu? C'était pour toi, la chanson. Eh bien, c'est gentil, hein, Gabriel. Il y a quand même pas mal de garçons à l'IME qui ont le regard sur Camille, hein. Wouh, hein? Tu es convoitée, Camille, hein? Qu'est-ce que ça te fait que les garçons comme ça t'aiment bien et tout, qui t'apprécient? Ça te fait rien du tout, ça te touche pas? Si. Ah bah si, quand même. Bon, c'est flatteur quand même, hein? Oui. Non? C'est parce que tu as des qualités? À donner musette à Tani. À musette à Tani. Qu'est-ce qu'elle a de bien, Camille? Les garçons. Je sais pas, moi. Toi, tu sais pas. Zinedine, qu'est-ce qu'elle a de bien, Camille? Parce que toi aussi, hein, Camille. Non, c'est super. Oh, mais Camille. Même quand tu travailles, hier après-midi, on fait des. Et Camille, on entend Camille, même alors, elle est là, Camille. Qu'est-ce qu'elle a de bien, Camille? Jolie. Elle est jeune. Ça, c'est déjà une qualité. Voilà. Nicolas. Elle est jeune. Elle est jeune. Jolie, Camille. Hein, elle a 13 ans, c'est bien qu'elle ait 14. Non, 14, 14, oui, pardon. Moi aussi, j'ai l'air 14. Jolie Camille. Vous connaissez l'âge de Camille? Oui, 14, oui. Hein, parce qu'on vient de faire son anniversaire. Ah, bah, oui. Toi, moi, j'ai encore pas franchi 13, 14. Moi aussi, je vais avoir 14 ans. Hein. Oui, ah bah oui, faut dire. Quand? Samedi. Samedi. Samedi, 14 ans. 14 ans? Ouais. Et alors, on se sent comment, là? À la bien. De ses 14 ans? Bien. Oui. Est-ce que t'as l'impression que t'as grandi? Oui. Oui. T'es plus sage? Oui. Ah, oui. Moi? Oui. Un grand moi. Tu as quel âge, toi? 10 ans. Combien? 10 ans. Ah non, pas 10 ans. Non, 12. 12? Oui. Sans les mains devant la bouche, c'est mieux? 12. Voilà, bien, Gabriel. T'as 12 ans? Oui. Quoi, moi? C'est bien. T'as quel âge? Grand. Bien, 13. 13 ans. Oui. C'est bien qu'il sache. Oui, c'est on bien. On n'arrête pas de vous le dire, hein, que c'est important tout ça, hein, de connaître son âge. Et Christophe. 14 ans. Voilà. L'année prochaine, 15. Tu les as déjà eus, tes 14 ans? Oui. Depuis quand? Depuis janvier. Ah, ben c'est très bientôt que tu as 15 alors. Ben oui, il ne faudra pas oublier de dire son anniversaire. Allez, le jour de la rentrée. 10. Mais après, c'est toi, c'est le 6 après, Corinne, toi. Bah oui, toi, c'est le dimanche, moi, c'est le lundi de la rentrée. Oh, 10. 10. Non, il n'y a pas 10 ans. Ah bah non, je n'ai pas 10 ans. Un musée tatani, moi. Tu donnes la musique à Camille, ouais. Oui, alors, t'as pas dit ce que tu pensais de Camille? Oui, Camille. Il joue. Rien, tu penses rien de Camille. C'est difficile à dire. T'as entendu, Gabriel, il la trouve jolie. Et toi? Qu'est-ce que tu peux dire? Oh, tu peux dire quelque chose, Zinedine. Oui. Elle est gentille? Oui, dit-il en enfilant sa capuche. Et toi, Christopher, qu'est-ce que tu peux dire? Elle joue bien aux chevaux. Ouais. Elle joue bien aux petits chevaux. Ah ben, c'est une qualité, c'est bien. Ah oui. Et Nicolas, t'as... Elle est jeune, elle est bien. Oui. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Bon, allez, on continue. Et mais vous, Corinne, qu'est-ce que vous dites de Camille? Qu'elle est sage, des fois trop sage. Ah oui. Trop sage. Qu'elle pourrait dire beaucoup plus de choses, et je pense qu'elle a plein de choses à dire, mais que les garçons, ils prennent en même les temps grosses. Beaucoup de place, oui. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Oui. Non. Donc voilà, moi j'aimerais, Camille, que tu racontes un peu plus de choses, surtout qu'il y a beaucoup de sujets qui sont variés, et je pense que tu as plein d'idées, tu as des avis à donner, mais que tu n'oses pas, parce que bah, les garçons... Ils prennent la place. Ben voilà. Moi, non, est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis, Camille? Non. Ben oui. Trop de place. Moi, ils jouent ballon en Camille, moi. Pourquoi des casseurs de pas? Moi, pour ce que je connais de Camille, je dirais qu'elle est douce. Et puis qu'elle n'aime pas le conflit. Moi? Alors ça doit plaire aussi aux autres. Quand on a quelqu'un comme toi dans un groupe, ça, c'est intéressant. Toute rouge, des fois. Toute rouge? Oui, des fois, quand elle a... Des fois, quand elle rigole. Elle rigole? Oui. Toi, t'es pas rouge quand tu rigoles? Non. Et moi, Nicolas? Non. C'est toi, rouge. Jamais. Un point. Peut-être qu'elle est timide aussi. Oui. C'est moi. Oui, elle est timide, Camille. Hein? T'es un peu timide. Oui. C'est moi. Bon, en même temps, là, on se connaît bien tous, hein. Oui. Donc tu pourrais intervenir plus. C'est moi. Zinedine, il parle plus que toi. Non, pourtant, Zinedine, ça fait moins longtemps qu'il vient à la radio. Non. Gabriel, il commence seulement la radio. Il parle plus que toi. Oui. Donc, Camille, on se réveille. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Hein? D'accord. On compte sur toi. À 14 ans. Hein? Non, c'est moi. C'est toi quoi? Là, c'est écrit Gabriel, oui. Bon, on passe au sujet suivant. Info. C'était quoi? C'était Christopher. Attends, les cigarettes? Alors toi, tu nous as parlé de plusieurs choses. Hein. Les cigarettes, je pense, j'ai parlé en premier. Alors, vas-y. Tu as vu les cigarettes, quoi ? À la télé. Oui. On tu nous as vu des cigarettes à la télé ? Oui, à Marseille. Ah, alors qu'est-ce qui se passe à Marseille ? En fait, tu sais les cigarettes quand ils achètent du tabac ? Elles oui. viennent pas de la France, les cigarettes, certaines. Oui. Il y a un trafic de cigarettes. Ah, oui, mais pas dans les bureaux de tabac. Non. Non, alors explique ton idée, là. En fait... Enfin, ton info, plutôt. Oui, l'info, oui. En fait, ça vient des autres pays, des voyageurs qui reviennent en France avec des cigarettes illégales. Mmh. Ah, là. Et on appelle ça des dealers. Derrière les cigarettes. Non, mais c'est... Trafiquants de cigarettes. Oui, mais c'est des cigarettes de... Contrefaçon. Voilà, de la contrefaçon. Donc, tu as dit qu'il y avait... Un gros trafic. Qu'est-ce qui s'est mis en place à Marseille ? Une brigade. Voilà. Un petit trafic en cigarettes. Oui. Et ça, tu as vu quoi à la télévision. Oui. Alors, est-ce que en technique, Mario et Christopher, vous étiez au courant qu'il y a une brigade spéciale qui s'est mise en place à Marseille pour lutter contre la contrefaçon de cigarettes ? Régine ? Non. Non. Voilà. Bah, c'était une info. Christopher. Uh-huh. Moi. Après, quand on passe beaucoup de temps devant la télé, c'est sûr qu'on doit en entendre. Moi, des pas infos, moi, non. Hein, pas moi. Pas les ça. Après, c'était quoi, Christopher ? C'est plus... Tu nous avais parlé aussi du sud-ouest. Hein, sud-ouest. Arcachon, Loire-Atlantique. Ah oui, les paquets de drogue. La cocaïne où pure. Oui, où ? Où là, la mer, là. Oui, mais il s'échouait où ? Sur la plage. Oui. Et puis ? Il y en a certains qui les ramassaient. Non, mais c'était interdit de les ramasser, oui, déjà. Il fallait signaler, mais on ne pouvait pas les prendre. Et mais toi, si tu disais que... Il y en a pris, hein. Voilà. Il y avait quelqu'un qui en avait. Et puis ? Il y a eu 10 ans de tôle. 10 ans de ? Il risque 10 ans de prison. Il y avait 17 ans. À Christopher. Quoi ? Vous avez entendu parler en technique, Régine ? Oui. Voilà. Donc, c'est une véritable info. Oui. Hein ? Moi. Laurette, tu en avais entendu parler ? Oui, mais c'était sur les 10 ans de prison que j'étais pas sûre. Okay. Oui, moi non plus, je suis pas sûre. Mais en tout cas, il a été condamné tout de suite. Bon, en même temps, ils avaient fait suffisamment... d'infos par rapport à ça, qu'il fallait pas y toucher et tout ça. Hein. Donc, moi, ton avis, pourquoi le monsieur, là, il avait ramassé... Un paquet de drogue ? Oui. Pour les revendre ? On sait pas trop, mais bon... C'est moi, là. Oui. Bon, c'est bon pour ça, Gabriel... Christopher, pardon. Oui. C'est bon ? Alors après, on va aller vers Nicolas. Les gilets jaunes. Ah, alors vas-y, commence par ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Ils font leur anniversaire maintenant. Ils l'ont fait, là ? Oui, ils l'ont fait. Oui. Alors où ? À Paris. Dans le centre-ville. T'es où exactement ? Surtout ? La place d'Italie. Et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu. Les gilets jaunes ont mis le feu ? Oui, ils ont mis le feu. Les gilets jaunes. À quoi ? Non, c'est les casseurs. Les blocs, comme on dit. Ils ont tout cassé aussi. Non, c'est pas les jaunes, c'est les blocs. Et Christopher, il précise bien, parce que c'est quand même important. Hein. Faut pas tout mélanger. Hein. Après, ils ont cassé des murs avec des pioches. Ça, c'est les blocs. Oui, t'entends, Nicolas, ce que dit Christophe ? Oui. C'est les Black Blocs qui ont mis le feu. Oui. Cassé. Tout cassé. Et pourquoi ils cassaient le mur, les murs ? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les morceaux de pierre ? Pour brancher au CRS. Oui. Ça te fait rire ? Non. Ah bon ? Non, il est rigolo. Et alors ? Quoi ? Mais qu'est-ce que tu penses de ça, justement ? C'est pas bien de balancer ça. C'est pas bien, c'est bien. Non, c'est pas bien. Ouais, c'est bien, bien, bien, bien. Et puis alors, les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils disent de tout ça ? Bah, t'as vu l'info, là, tu dis c'est l'anniversaire, les gilets jaunes ont manifesté, ils ont tout cassé, les Black Blocs. Bien. Mais alors, qu'est-ce qu'ils pensent de ça, les gilets jaunes? Que c'est pas bien de faire ça. Ils ont dit que c'était pas bien. Je sais pas, mais ils ont dit ça. Christopher, t'as quelque chose à dire? Non. Je sais pas, je te vois rire, là. Camille, tu avais vu cette information? Non. Est-ce que tu as regardé les infos, Camille? Non. Bah non, bah, c'est sûr que là, oui. Bah, oui. On est mal, là. Et pourquoi t'as pas regardé les infos? Ça t'intéresse pas? Si. Si? T'as pas eu le temps, peut-être? Bon, c'est bon pour ça, Nicolas? Oui. Après, tu nous avais parlé de Toulouse. De Toulouse. Ah, alors. Le camion, il roule sur l'autoroute tranquille. Alors, c'était pas une autoroute, hein. C'était un pont. Oui, tu nous avais parlé du pont. De quel pont? Ah, non. Celui qui a effondré, là. Celui qui a effondré. Oui. Alors. Il passait, il était trop lourd. Il a effondré le pont. Ah, mais raconte ce qui s'est passé. Oui. Le camion, il roulait sur le pont. Oui. Tranquille. Puis il était tout seul? Oui. Ah oui, bon, vas-y. Tout seul, puis le pont, il s'est effondré. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'il vient de dire? Non, ouais. Il avait aussi une fille de 15 ans. Et il y avait une voiture qui suivait le camion. Oui. Et puis? Il y a eu deux victimes, le chauffeur et l'adolescente de 15 ans. Les deux sont morts sur le coup. Oui, bon. Oui. Alors, lui-même des blessés aussi. Alors, et depuis le début de la semaine, là, on en a entendu de nouveau parler. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ça? Ah, il était trop lourd le camion. Mmh. Ils en ont parlé hier. C'est lourd. Mais c'est ce matin aussi. Comment? Ce matin aussi, ils en ont parlé. Oui, ben. Ils ont dit le poids, combien il faisait le poids du camion. 10 tonnes. Ah, bah alors, vas-y. Mais c'est plus le poids. Il fait 10 tonnes le camion. Attendez, 2 tonnes. Le camion faisait 50 tonnes à peu près. Oh! Avec sa cargaison, du coup. Ah oui, donc beaucoup trop lourd pour le pont. Oh! Merci. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Donc le pont s'est effondré. Effondré. Un tassé pont. Sur une rivière, je crois. Oui. J'avais dit. Qui s'appelle? Le Gard. Le Gard. C'est triste, hein? Oui. Attention, les amours. C'est bon pour ça? Oui. Allez, ensuite. C'est toi, ça. Bon, on va laisser Nicolas continuer. Alors, toi, tu as parlé, oui, dans les... Non, tu as dit que c'était plus un reportage. Reportage que tu avais vu sur les camions. Sur les camions. Non, mais là, t'attends que je dise tout. Vas-y. Le camion, il roulait, là. Il roulait, puis... Sur l'autoroute, il avait une voiture qui arrivait derrière. Oui, et puis qu'est-ce qui se passait? Puis le monsieur, il est rentré dans le camion. Il a ouvert les portes. Et après, il est rentré dedans, puis il a tenu l'autre camion. Il avait un truc pour ouvrir, là. Donc ça, c'est les camions qui se font voler en roulant. Ah bon? Oui, il avait vu ça. Oui, les paquets. Il se faut délester en roulant. Ah oui. Hop, ils m'ont laissé mais tout dedans en plus. Ben, c'est impressionnant. Et après, là, il a retrouvé son place de parking. Qui? La voiture? Oui, non, la Marie. Elle avait retrouvé le camion. Il était vide ou plein? Plein. Donc, alors, ils montent dans le camion, ils jettent tout par terre? Non, dans le camion. Bah, s'ils ouvrent les portes derrière et qu'ils vont servir dans le camion, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils balancent. Bah, ils balancent où? Par au-dessus de la tête du véhicule. Sur le bord de la route? Ils prennent... ils vont voler des camions qu'il y a sur l'autoroute qui roulent pour... transvasé dans un autre camion la marchandise, c'est ça? Oui. Mais alors ils font ça sur les parkings, bon, en roulant? Si, ils font ça en roulant. Ils roulent. Oui, tu as vu ça? Oui, en fait, il y avait, comme Nicolas a dit, une voiture qui suivait un camion. Ils étaient plusieurs dans la voiture. Et il y en a un qui est sorti par le toit ouvrant de la voiture. Il est monté sous le capot et après, bah, il a réussi à ouvrir la porte arrière du camion pour entrer dedans, pour voler ce qu'il y avait dedans. Mais ça, ils le font en roulant. Oui. Oui, mais alors, ce qu'il prend dans le camion, il le met où? Ça, par contre... C'était ça ma question. Dans un autre camion. Parce qu'en roulant, il y a quand même du monde sur la route et tout. Dans un autre camion. Ils jettent sur le bord de la route? Non, ils mettent ça dans un autre camion. Ils remettent dans un autre camion? Oui, c'est possible, ça. Oui, après, ils revendent tout. Là, ils font de l'argent. Et c'était en France? Non. Non. C'est pas en France. Je pense qu'il y a un passage qui manque là. Ça t'a impressionné en tout cas. Ah, t'as ses ponts. Bah oui, c'est normal, hein. Bon, on peut pas en dire plus alors. Non. Parce qu'on sait pas où va. La marchandise, elle va dans notre camion. Dans notre camion. Dans un troupeau. Dans quoi? Un troupeau. Non! C'est pas ça mon info. Le qui met tout la marchandise. C'est pas ça mais mon info. Christopher, c'est l'info à Nicolas. Oui. Hein. Lui il dit que ça va dans un autre camion, non. Mais je pense qu'il doit jeter. Oui, ça va dans l'autre camion. Bah alors ça, il va falloir que tu nous expliques c'est comment. Ça en plus. Ouais, bon. Vous avez compris comment ça peut se faire, Régine? Ben non, je sais pas comment. Je vois rentrer dans l'autre camion. Oui, ça, c'est pas le souci. C'est vraiment un athlète, parce que pour faire ça, oui. Il craint rien. Et puis, après, qu'est-ce qu'il fait? Il a des paquets, mais qu'est-ce qu'il en fait? Il les balance dans l'autre camion. Oui, dans l'autre camion qui arrive par derrière. L'autre camion, il est où? Oui, mais il arrive en avant. Non, en arrière, il arrive. Ah oui, il recule. Lequel? Le vide. Le poids lourd ou le vide? Le chauffeur, il s'arrête. Non, il roule. Ça roule. En roulant? Oui, en roulant, ils le font. C'est super dangereux, ça. Oui, mais ils le font quand même. Ils le font. Ouais, bon, je sais pas, il faudra peut-être approfondir un peu la chose, hein, parce oui. Que là, ou soit pas trop compris. Ou soit des mecs sur la route, ils ramassent les paquets après. Non, pas ça. Non, lui, il dit de non, camion non. À camion, alors... C'est un petit camion. Ou soit il y a une voiture derrière, puis une troisième voiture qui arrive. Non. Pour ramasser quand il tombe. Non, c'est pas ça, mon info. C'est pas ça, mon reportage. Non, mais c'est possible, ce qu'il dit. Ça que les pas. Camions, ils soient, entre guillemets, cul à cul, et oui. Puis... Oui, voilà. C'est ça. On balance des trucs pour au-dessus. La tête, le camion. Mais en roulant, toi, ça me paraît... En roulant, ils le font. Oui, mais moi, ça m'étonne pas. Ah oui. Oh, dis donc. Bon, Marion, du fait qu'on arrive en retard, je ne sais pas s'il nous reste du temps. Il nous reste 13 minutes. Ah bon, ben voilà, on sache un petit peu. Enfin. Alors, est-ce qu'on peut passer la chanson de Camille? Je sais maintenant. De Miss Je sais maintenant. C'est pas ça? Ah bon, voilà. Allez, ta chanson, Camille. Quand je t'aime. J'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Quand je t'aime, mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, il est minuit ou midi, un enfer au paradis, n'importe où, mais ensemble. Quand je t'aime, je ne sais plus. Un mendiant ou un messie, mais nos rêves se ressemblent. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. t'aime. J'ai des fleurs au bout des doigts et le ciel que je te dois est un ciel sans étoile. Quand je t'aime, j'ai la fièvre dans le sang et ce plaisir innocent me fait peur, me fait mal. Je t'aime, tous mes gestes me ramènent à te lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Oui. Voilà la chanson à Camille. C'était qui? Camille, mets-toi devant le micro. Oui, c'est mieux. Moi. Enlève tes mains. De Miss Rousseau. Oui. Et le titre, c'était Je t'aime pas. C'est ça? Non, je t'aime pas. Ah, c'était quoi là? Je t'aime. Voilà. Et tétanie. Et tétanie. Voilà, donc on va laisser un peu la parole à Camille parce qu'elle a quelque chose à nous dire. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a prévu en sortant de la radio? On va jouer club après. Alors, pourquoi on va jouer club? Pour acheter des jeux. Alors, on laisse Camille parler. Merci. Des jeux pour où? Pour l'IME. Pour nous. Je sais qu'un. Parce que la dernière fois, Régine, en sortant de la radio, oui. Nous sommes allés à Jouer Club à Saint-Étienne pour voir tous les jeux de société et tout ça, machin, pour rêver. Le but déjà au départ, c'était rêver. Et puis, on a pris des photos, des jeux qu'ils ont sélectionnés pour la plupart. Les jouets casse. Voilà, Laurette, elle a mis tout ça sur une feuille. À poche. J'ai rédigé un projet, j'ai donné ça à Monsieur Ballon, avec toute la... Oui, voilà. Tous les prix. Et Monsieur Ballon, il a dit oui. Un beau budget. Et Monsieur Ballon, il a dit oui. Il a dit oui. Eh, on peut tout prendre. On peut laisser parler Camille. Non. Un peu. C'est pas les Camille. C'est Camille. Alors Camille, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a été choisi? On t'écoute. Les puzzles. Voilà. Des jeux de société. Oui. Est-ce que tu te rappelles de noms de jeux de société? Réveille pas papa. Réveille pas papa. Réveille pas papa. Un jour, tu passes à la télé des fois. Papa, on passe. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Aligami. Annie Gali. C'est quoi ce film? C'est quoi? Ça m'a fait. C'est ça des jeux? Oui, au revoir, c'est pas grave. De toute façon, voilà, il y a beaucoup de jeux. Voilà, il y a un jeu de cartes. Et des puzzles. Des puzzles avec tous les jeux après. Il y a plusieurs puzzles. Non, ça on l'a déjà. Ah oui. On a essayé de choisir des nouveaux quand même. Après des puzzles de renouveler parce que ceux qu'on a, il y en a qui manquent des pièces qui sont vraiment vieillots. Ah, Gabriel, il veut parler de celui qu'il a choisi. Alors, c'est quoi que tu as choisi, Gabriel? Alors, enlève les mains de devant ta bouche. Voilà. Est-ce que c'est un jeu ou un puzzle? Un puzzle. Gabriel, il a choisi le sien. Oui, et toi, Zinedine, il a envie de parler. Non, vas-y, Zinedine. C'est quoi? Sur moi. Qu'est-ce que tu me disais là? Tu faisais comme les cartes. Joue, j'ai casse. Nouveau jeu de cartes, oui. Mmh. C'est pas cher en plus. Alors, si on avait écouté Christopher, et bien sûr, on l'a pas écouté, on aurait acheté des jeux déjà qu'on avait. Hein. Non, mais ce qui était bien pour Christopher, c'est qu'il parlait. Voilà. Ah, il fallait Monopoly. Des jeux qui parlent. Monopoly. Par exemple, Monopoly qui parle. Je dis quel intérêt. On, on a déjà. C'était moi ça. Pour acheter un Monopoly qui parle. Et comme Monopoly avec le chapeau. Voilà, Christopher, là. Il était là-dedans, donc c'était non. Puis il faut des piles, Christopher, dans ces jeux. Donc oui, aussi. Après, les piles, elles s'usent. Bah oui. Pourtant, j'ai laissé tomber après, j'ai rien dit. Comment ? J'ai laissé tomber, après, j'ai plus rien dit. Bah oui. Ah bon, tu étais fâché ? Oui, après, j'ai pas fait. Ah oui. Et j'ai conseillé Corinne sur des jeux, quand même. Oui, non, mais après, c'était mieux. Voilà. Au moins, des choses que vous n'aviez pas. Et puis, où il n'y a pas besoin de piles non plus, c'est vrai. Non ? Oui, oui. Au moins, vous allez découvrir de nouveaux jeux. Et Camille, tu as choisi quoi comme jeu? Parce qu'on a aussi choisi pour Nicolas et Raphaël, qui ne sont pas avec nous. Les cartes, les puzzles. Voilà. Tu as choisi des puzzles? Et pour Nicolas et Raphaël? C'est et un deuxième le... Nicolas? C'est des puzzles. Oui. Ah oui. Eux, ils aiment ça. Un peu tout ça, moi. Oui, la pelleteuse, oui. Gabrielle, la pelleteuse. Hein. Ouais. Moi, j'avais choisi un beau jeu, j'avais pris un jeu là, tiens, des fils là. Tu m'avais dit non, là, pour le prendre. Ah oui, avec les jeux des pattes. Ah oui, qu'il faut retirer les pattes. Oui, à chaque pas fois. Faire tout tomber. Ben, oui. Ça ressemble à Wistiti, des trucs comme ça. Hein. Peut-être changer un petit peu. C'était pas le Wistiti, hein. Non, oui, non, mais c'est un peu le même genre, c'est pour l'autre ça que jeu, je dis là, non. C'est pas du E.T. l'autre jeu, là. Là, des fils accrochés, il a une bombe, là, désactivée. Oui. Alors, le dernier sujet, c'était Christopher qui râlait après notre cher président. Hein, et puis il a dit, moi, si j'étais, j'aurais fait ça, en ce moment. Tu aurais fait quoi? Voilà. Président qui a de la mémoire. C'est plus. Il a dit qu'il aurait fait des actions pour les riches contre le féminicide. Ah oui, Christopher, et aussi contre le harcèlement. Voilà. Bon, après c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. C'est ça? Oui. Oui. Ouais. Alors le harcèlement, c'est quoi, Christopher? Harceler quelqu'un, je crois. Oui, mais c'est quoi? Harceler. Oui, mais ça veut dire essaye quoi? D'expliquer. Mais harceler! Harceler, ça veut dire harceler. Oh. Non, c'est pas ça qui crie. Hein. Non. Ah, t'as une idée? C'est harceler une personne. Oui, mais alors qu'est-ce que tu fais pour la harceler? Tu l'insultes. Oui. Régulièrement. Quoi? Tout le temps. Encore quoi, vieux jeu? Est-ce que vous avez compris? Oui. Envoie. Oui. Ça peut être aussi par le téléphone, oui, ça peut être... YouTube. Partout. Par YouTube. Oui, partout. Hein. Par Facebook. Oui. Voilà, plus Facebook que YouTube. Hein. On fait pas de pub, je vous rappelle. Ah oui. Pardon, pardon. Et le féminicide, c'est quoi? Tu es une femme. La tabasser. Oui, tu peux. Hein. Tabasser, frapper, insulter, je crois. Ben oui. Oui, est-ce que ça se croit? On entend beaucoup parler en ce moment parce que récemment, il y a encore eu. Femme morte pour un RD, par son mari. Mmh. Voilà. Ils ne sont pas arrivés à temps, les pompiers. Et ni les poulets aussi, ils ne sont pas arrivés à temps. Vous aviez entendu parler de tout ça? Non. Non. Ça te fait quelque chose, Zinedine? Hein? Est-ce que tu as compris, Zinedine, de quoi on parlait? Oui. Non. Les hommes qui sont violents à l'égard des femmes. Est-ce que c'est bien? Non. Parce que là, tu mimes ce que non. c'est, mais... Ben non. Pas du tout, hein. Non. Tu peux pas aller en prison. Pas en prison. Ah bah oui, bien ça sûr. Ça suffit pas la prison. À prison. Faut pas le faire, c'est tout. À prison. Marion, je crois que là... Oui, il faut qu'on rende l'antenne. Oui. Au revoir. Oh, c'est bien, Gabriel. Fini tout doucement. Au revoir. Donc, j'en attends autant de votre part. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, tout le monde. Et à la semaine prochaine. Moi, t'es tétanie, moi.